aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans la salle 5. Et aujourd'hui, grand changement, attention, on est 3, je suis avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment vas-tu? Bah, ça va, écoute. Et je suis, comme d'habitude, avec Victor. Bonjour salut, Victor. Salut, salut. Ça va? Ça va bien. Tu es chaud aujourd'hui? Chaud à parler de blagues à base de ta mère et d'alien. Oulala, ouais, j'ai eu peur de ce que t'allais dire là. J'espère que vous êtes bien assis dans votre siège numéro 42, parce qu'aujourd'hui on vous parle d'un alien qui voit en image thermique et du gars qui l'a remis sur nos écrans. On vous parle de The Predator. Parlez-moi de la mission. Avez-vous vu quoi que ce soit d'inhabituel? Comme un alien, peut-être. Il avait un truc. Ah oui. Ouais. Et vos hommes? Quelqu'un ou quelque chose les a déchiquetés? Je pense qu'il tente une hybridation. Il se perfectionne sur chaque planète qu'il visite. On veut savoir si vous représentez un danger. On est des assassins. C'est un peu l'idée d'être dangereux, non? Alors du coup, The Predator, c'est quoi? The Predator, c'est pas un remake, c'est pas un reboot. C'est une suite du deuxième volet qui de était Predator sorti 2, dans les ouais. années 80, début des années 90, où plus de 20 ans après les aventures de Danny Glover et d'Arnold Schwarzenegger, les méchants aliens reviennent sur Terre pour affronter des soldats. Plus de 20 ans après? Les années 90, ouais. Il n'est pas sorti en 87, le premier. Le premier, mais après 87. Le 2. Après, 20 ans après le, plus de 20 ans après le 2, qui est sorti dans les années 90. Oui, ok. Ok. Donc bref, donc c'est la suite de Predator 2 que je n'ai pas vu. Tu l'as vu, Victor? Non. Tu l'as vu, Stéphane? Oui. Et il était bien. Il n'est pas aussi bon que celui de McTiernan, forcément, mais c'est une suite correcte. C'est un peu comme Die Hard 2, quoi. Ça essaie de reprendre un peu les bases, mais ça déplace le... Là, on déplace le lieu, puisque le Predator 2 se passe dans une ville. Alors que le 1, c'était dans la jungle. Voilà, et cette fois, il affronte des dealers, il affronte la police, voilà. Donc bref, The Predator de Shane Black, écrit par Shane Black et Fred Decker, le gars qui a écrit et réalisé Robocop 3, donc je sais pas si c'est un gage de qualité, mais bon... avec dedans Olivia Munn, Boyd Holbrook, Sterling K. Brown, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Yvonne Traowski et tout plein d'autres gens. Budget de 88 millions de dollars et box-office jusqu'ici 125 millions jusqu'à aujourd'hui parce qu'il est sorti mercredi. Vous noterez qu'on est beaucoup plus dans les temps que les épisodes d'avant. Alors, The Predator, ça raconte quoi? Stéphane, dis-nous. Essaie de nous faire un petit résumé. Alors, sans trop spoiler. On suit les aventures d'un soldat qui est au Mexique pour éliminer des gars. Et pendant sa mission, y a le vaisseau du Predator qui débarque et qui se crash. Il bute son équipe et puis ils finissent par faire une sorte de mano à mano, mais qui tourne bien pour lui, puisqu'il arrive à s'en sortir en utilisant les armes du Predator, si je me souviens bien. Ouais. C'est ça, ouais. Les méchants du gouvernement débarquent pour récupérer le Predator. Lui, il s'enfuit avec le matos du Predator et décide de l'envoyer à son gamin joué par Jacob Tremblay. Mm-hmm. De là, les gars du gouvernement décident de contacter Olivia Munn, qui joue une universitaire passionnée des extraterrestres et des étoiles. Elle débarque pour analyser la créature et ça tourne mal. Exactement, ça tourne mal. Prank, ouais. On a trouvé un alien, ça tourne mal. Ça tourne mal. Non, mais aussi, il faut dire que comme c'est la suite de Predator 1 et 2, ça fait déjà 30 ans que régulièrement des prédateurs arrivent sur la Terre pour faire des trucs on sait pas quoi, et du coup ça a fait une trentaine d'années qu'il les étudie, enfin qu'il essaie de les étudier. Déjà dans le premier, de McTiernan, il mentionne que ça fait des années qu'ils viennent dans Predator original, ils disent que ils viennent à chaque fois que les saisons sont très chaudes pour justement bah, chasser, hein, puisqu'ils ont les prédateurs ont le surnom de celui qui utilise l'homme comme un trophée, si je me souviens bien de ce qu'ils disent. Donc c'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'ils viennent là, et là ils rajoutent du background aux prédateurs, puisqu'ils nous expliquent que s'ils viennent sur notre planète, c'est justement pour trouver les plus forts pour continuer à s'améliorer dans leur activité qu'est la chasse. Ouais. Attention de ne pas trop spoiler. Donc d'ailleurs, en gros, bon, on va en parler après. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Victor ? T'en as pensé quoi ? Dis-nous. C'était crétin, mais absolument génial, en fait. On change complètement de ton face au premier volet réalisé par John McTiernan. Mm-hmm. C'est Shane Black, on a un peu l'impression qu'il a décidé d'assumer totalement le côté un peu fun de son cinéma sans jamais réellement se prendre au sérieux, hormis quelques scènes assez violentes, parce que le film quand même n'est pas avare en gore. Et moi, ça m'a vraiment plu de voir ce spectacle complètement régressif pendant 1h50 où on a juste ce qu'on avait envie de voir, quoi. Du gore un peu débile et des personnages hyper attachants qui balancent constamment des blagues sur les mamans et sur les traumatismes des uns et des autres. Et voilà. Ok. Et toi, Stéphane, t'en as pensé quoi ? Assez mitigé. J'adore le travail de Shane Black déjà en tant que scénariste, hein, et je suis énormément fan de sa carrière en tant que réalisateur depuis maintenant 15 ans. Kiss Kiss Bang Bang et surtout The Nice Guys, prouvé qu'il savait faire du cinéma assez old school en termes de mise en scène, mais avec quand même une bonne patte de réel derrière, et toujours ce savoir d'écrire des personnages qui sont à la fois fun, en même temps hard-boiled. Et là, le souci de Predator, c'est que on lui a filé beaucoup de pognon comme pour Iron Man 3, et on sent justement qu'il y a des producteurs exécutifs derrière qui ont dû l'emmerder énormément, ce qui fait que il y a des moments où on sent que c'est vraiment du Shane Black, c'est surtout dans les phases de dialogue, les échanges entre les personnages. Et à partir du moment où les scènes d'action arrivent, là par contre, c'est très mal monté, c'est très mal mis en scène, c'est même assez ingrat pour du Shane Black. Il nous a habitué quand même à bien mieux. Donc ça reste très fun à regarder, parce que bon, voilà, il y a la patte de Black derrière, ça fait très années 80. Il fait clairement, enfin, il y a plein de choses qu'on voit plus actuellement dans le cinéma actuel, en tout cas de divertissement. Déjà, rien que le fait que le film soit classé R, même si bon, on avait eu ça avec Deadpool et Logan, mais là c'est encore un autre niveau. D'ailleurs, Shane Black, c'est lui qui voulait que ce soit interdit aux moins de 17 ans. Attends, interdit aux moins de 17 ans non accompagnés. Parce qu'il a dit, le PG-13, c'est pour les mauviettes, les colonnes vertébrales, ça saigne beaucoup. Et c'est pour ça qu'il voulait que ce soit interdit au moins de 17 ans. Et il a bien fait, hein, puisque bon, il y a des idées gore qui sont vraiment fun. Enfin, dès le début, avec le sang qui... Il faut savoir que dès le départ, avec la première attaque du Predator, il y a un corps qui est pendu à un arbre découpé en deux. Ouais, comme et le prédateur qui se planque. L'attaque classique du prédateur. Le prédateur qui, lui, est planqué dans son invisibilité. Bah, au final, on le découvre grâce au boyau qui commence à tomber petit à petit. C'est vachement... J'aime bien aimer, moi, ça. J'ai bien aimé cet effet. Cette scène-là, justement, on voit le cadavre du soldat qui est pendu par le haut, c'est un renvoi en plus au premier. C'est-à-dire le début du film renvoie énormément au premier pour ensuite partir totalement à l'encontre de ce qui était fait. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas en disant « bon, je vais faire pareil que McTiernan » ou « je vais essayer de faire mieux », ce qui est compliqué déjà de base de faire mieux que McTiernan. Mais voilà, il se pose pas en tant que oui, je veux faire pareil. Non, non, il part dans une direction totalement opposée. Et voilà, bah justement, le plan où on voit le sang qui coule sur le casque du Predator, ça fait partie de ces deux, trois idées de mise en scène qu'il a, qui fonctionnent et qui, voilà, c'est pour ça que c'est un film qui a été charcuté. C'est qu'il y a des moments, il y a des très bonnes idées de mise en scène, et des moments, c'est du n'importe quoi. Et dans les idées gore aussi, il y a des trucs très très fun, genre le coup du, il y a des Il y a un passage avec un bouclier sur un vaisseau, Oui, et là ouais. c'est des bonnes idées. Je me rappelais pas avoir déjà vu ça dans un film de SF avant. Donc après, Ouais, bon, c'est vrai est-ce qu'il y a que c'est un des. film de SF, est-ce que c'est un film d'action? C'est un hybride C'est les entre les deux, deux. oui. C'est les deux. Ah, le film il fonctionne un peu comme un hybride, hein. Tu parlais de ouais, faut pas que Black voulait pas qu'on fasse le qu'il faut refaire le premier en reprenant l'idée de la jungle ou quoi, mais en fait ça pourrait être aussi un hybride entre les deux en fait, puisqu'on alterne entre la jungle en tout début de film et ensuite on alterne entre c'est ça se passe aussi dans la Dans la banlieue en ville, fait, ouais. dans la Mais c'est ça que ville. j'aime bien. C'est que il essaie pas de refaire l'original, il essaie pas de suivre une tendance qui a pu être faite, enfin qui a pu être lancée, mais il reste ultra respectueux du truc, mais il suit, enfin il assume son délire à fond et il fait quand même des blagues de merde, de gros beauf dans un film sur Predator, quoi. Et c'est ça que j'aime bien. Il a, enfin, il faut pas oublier qu'il a bossé sur le premier. Déjà, il joue Oui. dans le premier et il a écrit. Ça a toujours été dit que McTiernan lui a demandé de réécrire des répliques, certains passages. Enfin bon, quand on regarde le premier, je suis désolé, mais la réplique du You Ugly Motherfucker, c'est clairement du Shane Black. Très bel accent anglais. Merci. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, donc il a joué dans le premier Predator, il a joué Hawkins, qui meurt au bout de 7 minutes. Et tu dis qu'il a écrit dessus, mais apparemment les studios, ils lui ont demandé d'être vraiment genre scénariste, genre vraiment vraiment à fond quoi, et il a pas voulu. Les studios ont dit, Shane était un super scénariste qui venait juste d'écrire ce script appelé L'Arme Fatale. Nous voulions juste qu'il réécrive une partie de l'histoire, donc on l'a mis dans le film parce qu'il est acteur. Et nous l'avions avec nous sur le plateau. Quand nous lui avons demandé s'il pouvait s'impliquer dans le scénario, il nous a répondu qu'il était acteur et non scénariste sur le film. On l'a donc tué au bout de 7 minutes. Ce qui est pas très cool, en fait, sachant que bah, apparemment il a quand même écrit dessus. Oui, de toute façon ça fait partie des bruits qui courent qu'il a filé un petit coup de main sur le scénar, en tout cas pendant le tournage, pas avant. Donc quand il était sur le tournage avec McTiernan, voilà, il est venu lui demander d'écrire deux trois dialogues. En tout cas, c'est ce que moi j'ai lu et entendu un peu partout, mais Ouais, apparemment il a contribué, mais les studios voulaient vraiment qu'il écrive dessus, genre en co-scénariste, quoi. Mais il a dit non. Mais sinon, ouais, le film il est vachement cool. Comme personne me demande mon avis, je vais le donner quand même. Si, attends, on va le demander. Jade, quel est ton avis Ah, sur bah oui, bah Predator? merci. Alors, bah, tout comme vous, en fait, je trouve vachement cool. Mais enfin, c'est tout. Enfin, il est divertissant, mais en même temps, on n'en demande pas plus. Mais enfin, c'est super paradoxal, à mon avis. En vrai, je trouve sympa, je trouve kiffant à regarder, tu t'ennuies pas et tout, il est vachement bien rythmé. Les personnages, ils sont attachants. Le personnage d'Olivia Munn, j'adore. Le personnage de Docteur Jack. Brackett. Docteur Braguette. Le personnage de Jacob Tremblay, je l'aime un peu moins. Mais ouais, paradoxalement, je le trouve vachement rythmé, mais le montage est ultra chelou. Enfin, il est. Des fois, il manque genre trois plans entre deux plans, tu vois. C'est nimp. Il y a, du moins par exemple, mais il y a le sort d'un des personnages. Ouais. On dit pas qui. On On va dit pas pas qui. dire qui, mais je pense que tout le monde ici sait de qui je parle. Oui, bah oui. Il meurt. Et Comme beaucoup de comme personnages dans beaucoup un de. film Predator en même temps. Mais sa mort est expédiée vraiment en 2 secondes Même en pas, fait. hein, genre une demi-seconde, on voit même On pas ne ce qui se voit, on ne passe. voit. Moi, j'avais pas compris en Non plus. fait son sort. J'ai pas compris ce qui a amorcé le Ouais. truc. Enfin, il manque trois plans entre le début et la fin de l'action. Enfin, c'est trop chelou. Toute façon, tout le troisième acte est vraiment en partie raté, quoi. Et il est rushé de Il ouf. est rushé, enfin. La fin, elle est rushée de ouf. Mais ils ont quand même pris le temps de mettre une petite scène de fin bien nulle à chier, qui a fait rire tout le monde. mais qui est cool quand même. La réplique finale est mortelle quand même. La réplique finale, putain. Ah, mais ça, il fait des trucs que, qui normalement devraient être interdits aujourd'hui. Et je m'en fous complètement. C'est vraiment le film du battage de couilles total. Ouais, il s'est vraiment fait kiffer. Je suis là pour m'éclater. Il y a moyen de faire un truc fun avec Predator. Allez, j'y vais. Je pense que même pour les spectateurs, je pense qu'il faut aussi le voir le film comme justement ce battage de couilles complet en fait. C'est vraiment, on y va juste pour voir du fun complètement régressif, et c'est comme ça que le film a été vendu comme ça aussi, hein, tu regardes des bandes annonces et... Ouais, mais c'est le truc aussi, c'est que je connais pas, enfin, je connais vite fait Shane Black, j'ai vu The Nice Guys, Iron Man 3, L'Arme Fatale. Et je kiffe ces films et tout. Du coup, je m'attendais, même en voyant les bandes annonces un peu bourrines avec plein de guns et tout, tu vois, je m'attendais quand même à un truc un peu subtil, entre guillemets, enfin un truc peut-être mieux écrit et moins en surface, parce que bah, Shane Black, bon, en fait, non, mais ça m'a pas empêché de kiffer ce que j'ai regardé, tu vois. Après, moi, moi j'ai jamais trouvé le cinéma de Shane Black si subtil qu'on peut-être devrait dire. Peut-être pas subtil, en mais fait, mieux c'est... écrit. Que The Predator, ouais, en tout cas. Ouais. Parce que là, c'est vraiment pas très bien écrit. Je pense que ça fait plus un film de commande, en fait, là. Plus oui, qu'autre ouais, chose, certainement. Avec 88 ouais. millions de balles. Commande, je suis pas sûr. Je pense qu'il avait vraiment envie de le faire, et que c'est grâce au succès d'Iron Man 3 qu'il a ouais. réussi à faire ça. Parce que bon, ça faisait un moment que le projet Predator était dans les cartons. Même si bon, on avait eu un remake sequel Rodatal pourri produit par Rodriguez avec Adrian Brody. Predators. Ouais. Ouais, parce qu'il y en a plusieurs. J'ai pas vu parce que je m'en fiche pas ce genre de choses. Mais ouais, c'est vrai que je sais pas si c'est vraiment une commande. Enfin, ils ont changé plusieurs fois de réal, je pense. Je pense que la Fox a voulu relancer la franchise comme elle a relancé avec Alien. Avec l'Alien de Ridley Scott, donc Prometheus et Alien Covenant. Ouais, mais c'était Ridley Scott qui les a réalisés. Donc c'est un peu Ridley Scott qui le voulait aussi, parce que c'est un peu son bébé Alien, tu vois. Alors que The Predator, bah, c'est pas John McTiernan qui est revenu et qui a dit bah, je vais le refaire. Ouais, là, c'est enfin, un peu compliqué en ce moment pour McTiernan de faire des films. Donc, complexe. Et donc, ouais, mais je sais pas vraiment si c'est un. Une commande, quoi. Je crois qu'il le voulait quand même. Je crois que t'as raison, Stéphane. Ouais, en plus, comme il était dans le premier et tout, c'est un peu. Enfin, je sais pas, la boucle est bouclée, c'est un peu son bébé, tu vois. Mais voilà, mais aussi, c'est parce que c'est une forme de cinéma qui, je pense, lui manque aussi profondément. Parce que tout ce cinéma 80s, 90s dans lequel il a fait partie, il faut quand même pas oublier que c'était le scénariste le mieux payé aux États-Unis dans cette époque. Hein, et on le payait, je crois, 90 millions de patates, non pas 90 millions, 9 millions pour écrire un scénar. La seule personne qui était aussi bien payée que lui pour écrire des scénars à l'époque, c'était Tarantino. Donc ils ont commencé quasiment à la même période, et ils ont un cinéma similaire, mais une façon de faire qui est assez ressemblante d'un point de vue référentiel. Comment ça s'appelle, True Romance est sorti quasiment à la même époque que L'Arme Fatale, The Last Boy Scout. Donc d'ailleurs, True Romance et The Last Boy Scout partagent le même réalisateur qu'est Tony Scott. Tu t'y connais beaucoup en Shane Black, j'ai l'impression que tu vas pouvoir nous aider pour cette prochaine partie de l'émission. Est-ce que vous avez encore des trucs à dire sur The Predator? Non, parce que ça reste un film fun, mais clairement il ira pas dans le top 10 de l'année. Et, non, mais il est marrant, un samedi soir et tout. Voilà, c'est le film que tu regardes ouais, avec tes potes. Avec du popcorn et ouais, tout, voilà. Ça passe, voilà. C'est plus le pack de bière, je pense. C'est plus approprié le pack de bière pour aimer Predator. Moi j'avais un truc à dire, c'est que je trouve l'affiche trop belle. Je la trouve trop ouais, cool. Ouais, c'est un peu du plagiat. Je sais pas qui a plagié qui, hein, je sais pas. Je sais pas, mais du coup, je vous conseille l'album de Brockhampton qui est sorti il y a pas longtemps. Mais ouais, je la trouve charmée. Aussi, petite anecdote, il était censé avoir un caméo de Schwarzenegger, mais il a lu le scénar, il a pas aimé, et du coup, il a pas voulu. Parce qu'il a d'autres choses à foutre, apparemment. Et oh. Aussi. Je sais pas. Et aussi, le rôle principal qui est joué par mec random blond numéro 92, là, qu'on connaît pas vraiment, il devait être joué par Benicio del Toro à la base. Ah, ouais. C'est. Mais emploi du temps, pas, ça n'allait pas, du coup il a pas pu, ou il a pas voulu, on sait pas, mais en tout cas il a dit que c'était un problème d'emploi du temps, et du coup ils ont dû prendre ce gars. Ouais, il devait faire un super film comme Sicario 2 au même moment, et... Très certainement, arrête de balancer des rêves que j'ai pas vu. Même mention spéciale à Thomas Jane, hein, qui incarne un soldat atteint du syndrome de la Tourette. Bon, en plus j'adore Thomas Jane. Et ça fait toujours plaisir de le voir parce qu'il a vraiment une bonne gueule de ce genre de film d'action justement et, ouais. Il a un personnage qui est extrêmement touchant en fait, ouais. Malgré le fait qu'il débite un flot de vulgarité. Mais tous, je trouve, tous le petit groupe autour du personnage principal, je les trouve vachement touchants, alors que c'est un peu tous des connards, un peu beaucoup même. Et aussi un autre truc, c'est que à un moment dedans il y a un chien, bon, il y a plusieurs chiens, vous allez voir, mais il y a un vrai chien et c'est le vrai chien d'Olivia Munn, c'est son petit, ah ouais. C'est son pitbull. Et voilà, c'est tout. Elle kiffait tellement son chien qu'elle a voulu le mettre dans le film, alors elle l'avait dans le film. Les gros là. Non, pas les hirges de l'enfer, le vrai chien. Sinon je m'inquiéterais pour elle. Donc on a déjà parlé un peu de Shane Black, mais on va vous parler peut-être un petit peu plus en détail parce qu'apparemment Stéphane c'est un expert. Alors maintenant on va vous parler de Shane Black. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. Alors Shane Black, c'est qui? Parce que Shane Black, tu nous as dit, c'est un gros scénariste des années 80. C'était le scénariste du cinéma d'action des années fin 80, début 90, qui a marqué le renouveau du cinéma d'action de toute façon, hein, puisqu'on est en 80, donc à cette époque c'était les Stallone, les Schwarzy, les mecs ultra baraques qui sont intouchables, qui n'ont aucune fêlure, qui sont the ultimate badass. Et en fait il y a eu deux... Ah, c'est pas des Steven Seagal non plus, hein, ils sont blessés. Steven Seagal il se fait jamais blesser. On parlera pas de Steven ici, surtout pas en mal, hein. Non, j'adore Steven Seagal. Et tout le monde aime Steven. Il est bien. Si. en fait, il y a eu deux films qui ont changé la donne à la fin des années 80, qui est déjà Die Hard, juste le titre, et L'Arme Fatale, donc là écrit par Shane Black, qui montre justement des héros de films d'action qui n'ont pas besoin d'avoir 50 kilos de muscles et qui ont des traumas, qui peuvent pleurer, qui peuvent avoir peur, qui peuvent être blessés. Dans Die Hard, il y a une scène qui est assez marquante où McClane est en train de soigner ses blessures et commence à paniquer, à se dire que ouais, je vais peut-être pas m'en sortir en fait. Et ça, c'était un truc que tu voyais absolument pas à l'époque. Et pour L'Arme Fatale, le personnage de Gibson, Martin Riggs, qui tente de se suicider au début du film et qui clairement a des problèmes. Tout ça, ça a créé une mutation dans le cinéma d'action, ce qui fait qu'on a eu tout plein de dérivés, notamment de Die Hard, hein, que ce soit Cliffhanger avec Stallone, ou ce chef-d'œuvre absolu qui est Piège Rottmer avec Stallone. Oh, que Victor n'a toujours pas vu. Ouais, on le sait en moi. Il faut absolument que tu le vois. Il joue un cuistot, quoi. Steven en cuistot qui fait de la bagarre. C'est... Ouais. Avec des couteaux. Ah bah oui, avec attends. Un toc. Bah oui. Avec une recette de... Ah non, je crois que c'est dans Piège à grande vitesse qui est une recette de cannelloni ou je sais pas quoi. Recette de gâteau pour ça. Oui, sa recette de gâteau. Bref. Bon, bah c'est bien, on va dériver le podcast en discussion sur Steven là. Parce que bah oui, on fera un podcast d'appréciation sur Steven Seagal. Shane Black, il a ensuite écrit tous les. Il a écrit. Alors. Il a écrit L'Arme Fatale 2, mais il a quand même pas mal été retouché, ce qui fait qu'on a beaucoup perdu du premier, parce que le premier était quand même assez noir, même si le script du premier était beaucoup plus noir de ce que j'ai compris. Je ne l'ai pas lu, mais ils l'ont vraiment radouci. Le 2, ça va, je trouve. C'est à partir du 3 où il y a le personnage de Joe Pesci, où on commence vraiment à tomber dans la bouffonnerie. Bah, à ce moment-là, Shane Black a déjà quitté le navire et est parti faire d'autres choses. Il a écrit Last Action Hero pour McTiernan, qui est une... un très bon film, une très bonne comédie et en plus une excellente réflexion sur le cinéma d'action. C'est un film qui est très très méta tout du long. Et puis il a surtout écrit, moi qui est mon Shane Black préféré, qui est The Last Boy Scout de Tony Scott avec Bruce Willis, qui là c'est un personnage mais purement Shane Black, quoi. Il passe son temps à cloper, à faire des vannes. Premier moment où tu vois le personnage principal, enfin, il a une gueule de bois dans sa bagnole et on lui balance un écureuil mort, et il réagit même pas. Et puis ensuite il a fait au revoir à jamais de René Harlin avec Gina Davis, qui là pour le coup est un très bon film d'espionnage un excellent rôle féminin pour Gina Davis. Ensuite il a disparu parce que au revoir à jamais a été un bide. Malheureusement, ça a détruit sa carrière et il a disparu pendant plusieurs années jusqu'à ce que le type qu'il a découvert à l'époque de L'Arme Fatale, donc qui est Joel Silver, lui a proposé de réaliser son premier film, qui est Kiss Kiss Bang Bang, avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer. Et là, ça a relancé sa carrière jusqu'à ce qu'il fasse The Nice Guys et surtout Iron Man 3, qui a été son plus gros succès, hein, plus d'un milliard de dollars au box-off quand même. Bon, ça reste... Ça reste un film de Marvel, donc il y a la patte Black, hein, déjà rien que le fait que ça se passe à Noël, puisque c'est un gimmick. Ouais, le truc aussi. Il y a aussi le personnage de l'enfant. Ouais, oui, il y a dire. Toujours un gosse chez Shane Black. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est assez drôle que Predator se passe pas à Noël, mais à Halloween. C'est la première fois que je vois pas de Noël chez Shane Black, puisque même The Nice Guys, je crois, se passe à Noël. Je sais plus. Je l'ai vu il y a vraiment pas longtemps, mais je m'en souviens plus. Ouais, si je me trompe pas, ça se passe à Noël. Et non, il a vraiment une très bonne patte en termes d'écriture. Il fait des personnages qui sont très cyniques, qui sont énormément inspirés des détectives privés. Mm-hmm. C'est des flics hard-boiled, hein. Donc on est cool. Mais en même temps, on peut en prendre plein la gueule, mais on a toujours la bonne phrase à sortir au bon moment. Enfin, voilà, c'est The Last Boy Scout, c'est que ça. Il y a un passage où Bruce Willis se fait tabasser par un homme de main, et au lieu d'être faible face à ça, il n'arrive pas à lui faire des vannes, ce qui fait que ça lui permet de s'en sortir, justement. Donc, et puis, il a des répliques qui sont incroyables. Et tu regardes tout, tu fais « Mais ouais !» Et c'est ça qui manque. On a été très silencieux parce que tu t'y connais beaucoup en Shane Black et tu nous as donné une leçon, là. T'as même pas de notes, d'ailleurs. Voilà. C'est fantastique. Moi, tout ce que je sais de Shane Black, c'est que c'est un scénariste de ouf. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais que ça m'étonnait. Enfin, que je m'attendais à plus de The Predator, parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment un très très bon scénariste. Et The Predator, le scénario, il est un peu... Moi, je le vois plus comme une synthèse, en fait, de son cinéma, en fait. Bon, d'accord, ça se passe pas à Noël, mais à Halloween. Ça aurait été carrément mieux à Noël. Mais je kiffe les films de Noël. Genre un Predator avec un manteau avec un costume de Père Noël. Ça aurait été trop drôle. Mais non, enfin, on trouve vraiment, c'est rien que le fait que le film, l'un des points de vue du point central du film, c'est le personnage de Jacob Tremblay. Alors certes, Jacob Tremblay, comme tu l'as dit, il est, enfin, ouais, maintenant, mais c'est très Shane Black de mettre un gamin, mais on retrouve ça avec ce gamin qui va découvrir un peu un monde plus obscur, plus violent, ouais, que son école ou que ses jeux vidéo. Où il va... On dirait un vieux con quand tu dis ça. C'est jeux vidéo, non, là, c'est voilà, carré. Le film, il joue à Don't Starve, quand même. C'est vachement bien, Don't Starve. Et à quoi? Il joue à Don't Starve. Je ne connais pas. C'est un petit jeu sympa. Petit jeu pas dégueu. Un inventeur qui se retrouve dans un... dans un monde, on va dire, un peu post-apocalyptique, et où il doit survivre. D'accord. En attendant l'hiver, parce que l'hiver, c'est encore plus dur. Et donc tu disais oui. Et justement, il y a plein de petits éléments comme ça qui ressurgissent et qui, certes, non, enfin, Shane Black, il les utilise pas pour en faire quelque chose de nouveau, pour jouer dessus, quoi. Non, il va juste les réappliquer et il le fait de manière assez humble. C'est pas genre côté m'as-tu vu ou un oui, côté. Ouais, mais je dis juste que je suis d'accord. En plus, je trouve qu'il étend l'univers de Predator sans pour autant marcher dessus complètement, ouais, en disant ce qui s'est passé avant, j'en ai rien à foutre, je fais mon truc à moi. Il est respectueux de ce qu'il y a eu avant, tout en rajoutant des idées et en l'étendant pour faire des potentielles suites qui seront potentiellement bien, tu vois. Mieux que Predators ou Alien versus Predator. Ça reste mais un... ouais, voilà. Mais en même temps, je trouve qu'il n'y a pas ce petit truc qui m'a fait vraiment, vraiment beaucoup aimer The Nice Guys ou Iron Man 3, tu vois. Il n'y a pas vraiment cette... Enfin, je sais pas, les... Déjà, il n'y a pas Ryan Gosling pour moi, non. Mais toute l'équipe de mercenaires de Predator, c'est des personnages de Black, c'est-à-dire c'est des marginaux, c'est des mecs qui sont mis au ban de la société, qui sont extrêmement cyniques. Et en même temps, quand il s'agit de prendre les armes, voilà, c'est les mecs qui restent... Ils restent balèzes, donc ils tiennent quand même ils tiennent quand même la route une grosse grosse partie du film, beaucoup plus que l'équipe de l'original, qui eux en plus étaient vraiment des gros gros bourrins. Enfin, à l'inverse de l'original, c'est que là en plus ils sont pas vendus comme étant des bourrins, ils sont vendus comme étant bons dans ce qu'ils font. Mais c'est pas les brutes épaisses que t'appelles quand c'est la galère. Il y en a quelques-uns quand même qui veulent pas au début participer, qui ont peur et tout. Et voilà, en plus. Donc c'est pas vraiment des mecs qui sont en mode ah, filez-moi les guns, tu vois. Enfin, la plupart oui, mais pas tous. Et à la fin, au final, si, ils prennent tous des guns. Et c'est ça le. Enfin, je sais pas. C'est. J'ai l'impression que c'est. J'arrête pas de dire subtil, mais c'est pas le mot que je veux utiliser, mais je trouve pas le mot que je veux c'est utiliser. C'est pas fin. Ouais, là c'est peut-être moins fin pour moi. Mais en même temps, ça veut dire que j'aime pas non plus, tu vois. Mais c'est. Je m'attends. Enfin. Avec les bandes-annonces, je m'attendais à ce que j'ai eu. Mais sachant que c'était Shane Black, je me suis dit peut-être que ça se trouve, ça va être un film super bien écrit où on s'attendait pas du tout à ça et tout. Mais bon. Je m'attendais à un truc quand même plus fun parce que t'as quand même beaucoup de passages où tu t'emmerdes et. Moi, j'ai pas trouvé. Après, il y a. C'est bien, c'est que t'alternes aussi avec des moments qui sont extrêmement drôles. Toute la partie où ils sont dans l'hôtel. Oui, puis quand ils sont dans le bus, quoi, c'est vraiment là, c'est les meilleurs passages parce que c'est les passages au final où il n'y a pas d'action, où c'est les personnages qui discutent et qui se balancent des ch'tards toutes les deux minutes. Ouais. Mais donc, pour revenir à Shane Black, j'allais vous poser la question, mais on y a un peu répondu en fait. À votre avis, pourquoi c'est lui et pas un autre qui a réalisé ce film? Mais en fait, étant donné qu'il a déjà bossé avec Mac Tiernan, qu'il était dans Predator et tout, en vrai, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Et puis, même si il s'est retrouvé sur le projet, j'étais content de voir que c'était lui, mais en même temps, j'étais étonné parce que bon, le problème, c'est que Predator, c'est pas. Actuellement, c'est un peu comme Conan le Barbare, c'est-à-dire que c'est deux films qui n'ont rien à voir, déjà. Oui, qui n'ont rien à voir, mais dont je ne vois pas de réal capable de faire un truc digne de l'original ou du même style que McTiernan ou John Milius pour Conan. On est une époque actuelle où je ne vois pas de réal capable de faire ça. Tu vois. Quand bien même j'adore, par exemple, Edgar Wright, c'est un réal, on pourrait dire, ouais, il pourrait faire ça, ouais, mais non. Même lui, il collerait pas à Predator ou... Mais ou ouais, en même temps, l'original est tellement culte et est tellement... Enfin, il est tellement marqué par un réal, sa mise en scène, sa patte, quoi, que tu peux pas faire un remake par un autre réal. Et... Enfin, je sais pas, il y aura toujours cette comparaison avec le premier qui est déjà culte, donc tu vois, c'est compliqué. Mais là, il a pas voulu faire un remake, il a fait une suite, et du coup, il a eu plus de liberté à être lui-même qu'à vouloir recopier ce qu'il a fait McTiernan, tu vois. Il fait des clins d'œil aux deux premiers films, mais à aucun moment, il veut faire la même chose. Ouais, il veut, exactement. D'ailleurs, je t'ai coupé. Non, vas-y. En parlant de l'original, il y a un truc que moi, il m'a un peu manqué, je vous l'ai dit en sortant du ciné, c'est que je trouve qu'ils n'utilisent pas assez la vision en image thermique. Je trouve que c'est pas assez utilisé. Enfin, il y a quelques plans, tu vois, mais tu les enlèves, c'est pareil, tu vois. Alors que dans le premier, ça a vraiment un gros intérêt. Oui, il y a un intérêt, il y a une vraie réflexion de l'utilisation de la vision thermique dans le premier. C'est pas le même réel, forcément, du coup, ils ont pas les mêmes intentions et les mêmes façons de faire, tu vois. Mais là, c'est juste, enfin... C'est sur l'affiche et il y a sur quelques plans dans le film, mais tu l'enlèves, c'est pareil, tu vois. Non, je crois qu'il y en a plusieurs. Mais ils sont vers la fin, quoi. Ils sont tous calés en même temps. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur Shane Black? Est-ce que vous savez la suite? Qu'est-ce qu'il va faire ensuite, Shane Black? Alors, il est censé faire Doc Savage. Ouais, c'est un projet qu'il veut faire depuis maintenant pas mal d'années, qu'il voudrait faire avec The Rock. Oh Ah, oh, je savais pas. Oh mon dieu. Si, si, normalement, il devrait le faire avec The Rock. S'il le fait, en effet, c'est cool parce que on verrait enfin un bon film avec The Rock. Pardon? Écoute notre épisode sur The Rock parce qu'il nous a pas écouté. On parle de Southland Tales dedans. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, mais ça date. Oui, mais il est très bien ce film. Est-ce que Skyscraper aussi, c'était vachement bien. Oui, mais. Mais ouais, donc Doc Savage avec The Rock, apparemment, ça je savais pas. Et c'est une adaptation d'un pulp magazine, je sais pas trop ce que c'est en fait. C'est genre une série de comics. C'est ça, bah j'ai jamais lu Doc Savage, je connais juste de nom, mais ça colle clairement à, ouais, à l'identité de Shane Black de toute façon. Après, le souci c'est est-ce que malgré le. Parce que bon, 120 millions de dollars, c'est bien hein, pour un film au box-off, mais ça reste quand même. Il rattrape à peine le budget. Bah, c'est pour l'instant. Il faudrait que ça se Parce que le film, il est sorti il n'y a pas longtemps, hein, The Predator. Ouais. Il est vraiment. Là, c'est les chiffres, mais ça fait 3 jours hein, qu'il est sorti. En France, aux États-Unis, il est sorti il y a un mois et demi, et il s'est planté. Ah merde. Bah, ouais, peut-être que les recettes internationales, elles vont aider. Parce que quand même, c'est Predator, les gens, ils vont aller voir, tu vois. Donc. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur The Predator ou chez le Black ou autre chose? On pourrait peut-être parler vite fait du Predator de McTiernan ou... Oui, vas-y. Moi, je sais pas si vos souvenirs sont... Moi, je l'ai vu cet été, donc c'est ouais, assez frais. Ouais, je l'ai vu cette année aussi, donc c'est... Ça je l'ai vu cet été et j'avais jamais vu avant, juste anecdote perso, je l'avais jamais vu avant. Aussi, Et je l'ai vu, genre, je me suis trop mis en condition et tout, genre sur mon grand écran et tout. Pas un écran de ciné non plus, mais genre ma télé, j'ai mis genre j'ai éteint la lumière et tout, genre je me suis fait un mini ciné chez moi et franchement, mais je crois que j'ai jamais autant kiffé un film de science-fiction depuis très longtemps, enfin depuis Blade Runner quoi. Mais genre chaque plan, visuellement chaque plan c'est un chef-d'œuvre quoi, c'est une peinture, enfin tout est trop beau, la mise en scène elle est ouf. C'est trop bien écrit et c'est pas c'est un film de science-fiction et c'est un film d'action aussi, mais c'est pas genre action bourrine de ouf, tu vois. C'est quand même vachement assez lent et assez, enfin il y a une ambiance, enfin c'est trop, il est vraiment trop bien ce film, je l'aime vraiment de tout mon cœur. Je sais pas vous, est-ce que vous l'aimez à ce point? Predator, ça fait partie de ces films que je suis capable de revoir une à deux fois par an et que je regarde toujours avec les mêmes yeux d'enfant et je bloque devant pendant les 2 heures. C'est pour moi la première partie de la déconstruction du cinéma d'action par McTiernan. Parce que bah, selon moi, il a déconstruit le cinéma d'action en 4 fois. La première fois avec Predator, deuxième avec Die Hard, troisième avec Last Action Hero et enfin avec Die Hard 3. Et à chaque fois, donc, il pose une réflexion sur le cinéma d'action de l'époque et il le charcute pour en faire quelque chose d'autre. Déjà, le parti pris justement de prendre Schwarzenegger et de le mettre en difficulté face à un ennemi, c'était assez audacieux. Ouais. Y a un vrai travail sur la mise en scène, sur le jeu du regard. Qui est une récurrence chez McTiernan, hein. De toute façon c'est toujours les échanges de regards. On a beaucoup de vues subjectives dans Predator, que ce soit celui du Predator justement, qui lui, ouais, justement. C'est là où c'est intéressant la vision thermique, parce que lui les voit, il sait où ils sont, il sait les repérer. Mais eux ne le voient pas. À l'inverse, eux ne le voient pas, il n'y a qu'un seul personnage, ouais, qui peut le ça voir. C'est génial, franchement. C'est le personnage qui est indien, qui est chamanique, dont on dit même qu'il a un sixième sens. Ouais. Et il y a tout plein de passages qui sont juste fondamentaux pour que le film fonctionne. C'est, on te les dépeint comme étant les mecs qui sont incroyables, qui sont vraiment balèzes. Ouais, d'ailleurs, ce plan où ils serrent la main là, et on voit genre, leur gros biceps et tout, genre, c'est des gros bonhommes. Perfection de ce plan, ouais. le plus beau brofiste de l'histoire. Et il renforce ça aussi avec des dialogues, notamment quand ils attaquent le camp de guerriers, c'est qu'il y en a un qui saigne et il fait, son pote il fait, ah mais t'as vu, j'ai pas le temps de saigner, enfin voilà. Les mecs, voilà, il te les dépeint comme étant indestructibles et il les fait mourir les uns après les autres, et à chaque fois tu les sens en mauvaise position, tu sens qu'ils ont peur, notamment le seul personnage on dit qu'il n'a peur de rien. À ce moment-là, tu sais déjà qu'il y a quelque chose qui cloche, toi-même tu rentres en tension, et le plus grand moment de tension du film reste justement le moment où le personnage de l'Indien est sur le tronc d'arbre qui sépare deux rives, et où il dit à Schwarzenegger, casse-toi. Il enlève ses fringues, il prend son couteau, il fait un pacte de sang avec la créature. Tu dis, putain, mais l'affrontement, il va être énorme. Ouais. Et là, McTiernan, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Et à la place, il filme Schwarzenegger qui est en train de courir dans la forêt. Et t'entends le mec qui hurle, tu le vois pas mourir. Et à la place, tu vois Schwarzenegger qui fait dans son froc. Et à ce moment-là, toi aussi, tu fais dans son froc parce que t'avais confiance en ce mec-là, comme lui, il avait confiance. Et tu dis, c'est le seul rempart qu'il y avait contre le Predator, et au final il l'a eu aussi. Donc à ce moment là tu dis, bon c'est bon, Schwarzenegger est foutu, même si tu doutes bien que ça va bien finir pour lui, t'as quand même toute une tension qui est instaurée, et le dernier acte il est juste exceptionnel avec le retour à la nature de Schwarzenegger, qui redevient une créature primale, qui se recoupe de boue, qui utilise la forêt justement pour l'aider à vaincre comme le Predator le fait. Surtout qu'eux, ils sont toujours cadrés, vraiment, ils sont serrés. Ouais. Ils créent vraiment un huis clos dans la jungle, à l'inverse du Predator qui, lui, voit tout, n'est jamais submergé par tous ces arbres, toutes ces feuilles, alors que eux, si. Justement, le parti pris d'avoir mélangé genre les aliens, genre la science-fiction, les trucs un peu... Je sais pas, quand tu penses science-fiction, tu penses à vaisseau spatial, des trucs mécaniques et tout, en fer, et à foutre ça dans une jungle, enfin dans une grande forêt et tout, je trouve ça ouf. Et je me demande aussi, en parlant de Schwarzenegger, je me demande qu'est-ce que ça a fait aux gens de voir ça en 87, genre t'as vu Schwarzenegger casser les gueules et tout, et puis là tu vois un Schwarzy en danger qui flippe et tout, et tu te dis, bah merde, enfin c'est Schwarzenegger, il est pas censé avoir peur, enfin ça devait être génial de voir ça au cinéma quand il est sorti. Bah, c'est ça qui prouve que Schwarzenegger aussi faisait les bons choix, contrairement à Stallone à cette époque. Hein. Donc, c'est con quand même. Et toi, Victor, un dernier petit mot sur Predator? Ah, mais ce qu'a dit, c'est ce que vous avez dit était tellement beau sur Predator que j'ai rien. Tu as bu nos paroles. J'ai rien à ajouter, sauf que ouais, enfin moi aussi j'aime beaucoup ce culte du virilisme qui est défoncé pendant tout le film de McTiernan, en vraiment filmant tous ces corps qui déambulent dans la jungle et qui ont peur. En fait, on les voit vraiment d'une manière si vulnérable, et c'est passionnant à étudier, en fait, comme film, surtout dans la carrière de Schwarzenegger, justement. Et voilà. Et c'est aussi un des meilleurs films post-Vietnam qui a été fait, hein, clairement. Puisque le Predator, c'est clairement les Vietnamiens qui arrivaient à se dissimuler dans la forêt pendant que les GI se faisaient décimer les uns après les autres. Donc, et en plus, c'est aussi en même temps un survival incroyable. C'est ça qui est cool avec ce film, c'est qu'il y a plein de lectures différentes, ce qu'il y a moins avec The Predator de Shane Black, mais qui est quand même cool et qu'on vous conseille quand même parce qu'on va devoir se quitter bientôt. Donc on vous conseille The Predator, on vous conseille le Predator original évidemment, Predator 2, je sais pas, on conseille Predator 2, Predators, non, moi, Alien versus Predator. Alien versus Predator, il est marrant. Alien versus Predator Requiem. Ah, je cautionne tellement pas ça, les gars. C'est... Non, Alien versus Predator, il est marrant. C'est... Tu le regardes au second degré, c'est marrant. L'ennemi de mon ami. Wow. Mon ami et mon ami, c'est la réplique finale du Alien vs Predator. Ah, je m'en souviens plus. Predator, il est gentil et il va sauver les humains. Évidemment. On vous conseille la filmo de Shane Black, en vrai, et la filmo, ce qu'il a scénarisé aussi. Et du coup, ça tombe bien qu'on ait parlé de Predator original, parce qu'on va se quitter avec le thème du Predator original, parce que pourquoi se priver d'une musique d'Alan Silvestri quand on peut écouter une musique d'Alan Silvestri? Au revoir. Salut.